Vas-y, alors raconte-nous, ça c'est le texte que Jonas nous a dit d'écrire. Voilà. Alors, je suis née en février à Palagonia, en Sicile. Avant l'arrivée des Grecs, elle s'appelait Palika, Néax. Mon nom a été choisi par ma bonne fée, ma reine, une amie de ma mère. Elle porte le même nom que moi. Quand j'étais petite, je ne l'aimais pas. Alors, je me suis inventé un autre prénom, Fabienne. Pour la première femme qui l'a portée, ce fut toute une tragédie. Elle est arrivée de Mésopotamie entre le 2e et 3e siècle. Persécutée pour s'être convertie au christianisme, elle s'est enfuie et a échoué en barque sur les rives de Sicile. S'est cachée dans les montagnes, ses poursuivants l'ont rattrapée, torturée, exécutée, coupée la tête. La religion et le village en a fait un symbole, mais tout cela fait partie de la mythologie. On ne sait pas. Il y a une énorme fête au mois de juin. Je l'ai vue une fois, grandiose. Mieux que les fêtes de Genève, mieux que la fête du 1er août. Mais un peu kitsch, trop religieux, trop païen. L'accent mis sur la migration est bien souvent négatif. Beaucoup trop de généralités et de stéréotypes qui circulent. Je suis triste que les termes clandestins, voleurs de ressources, profiteurs ou pire encore, nous collent toujours à la peau. Non, nous n'apportons ni crime, ni drogue, ni viol. Nous ne demandons rien d'autre que de nous insérer naturellement dans notre terre d'accueil. Alors, qu'est-ce que tu nous lis ? La visite de l'Ariana. J'ai fait un rêve. Je me promenais du côté de la Louisiane, au temps des calèches, ou du côté de la Maison Blanche, ou d'une demeure d'une riche héritière anonyme. Je suis donc dans un parc avec de majestueux arbres qui me font la haie d'honneur. Comme des gardes des dragons impériaux qui m'accompagnent jusqu'à une fontaine de jouvence, surveillée par deux hérons magnifiques, fiers, majestueux, comme des pans. Je lève les yeux, une belle bâtisse se dresse devant moi. Comme par magie, quel rêve! Sur le toit, j'aperçois deux magnifiques statues debout qui me regardent. Et c'est, ah oui, je les reconnais. C'est les amoureux Ariana, princesse mortelle, et Dionysos, fils de Zeus. Ariana, son fils, son fil céleste éternel de la vie, qui nous conduit en saison, mystère. Une entrée où se dressent des colonnes de marbre sur un tapis de mosaïque. Sur le chemin, je lève les yeux, une balustrade surmontée avec d'autres colonnes de marbre torsadées, Mais c'est donc un temple de la mythologie peut-être. Celui de Zeus, d'une autre divinité, d'Apollon. Mais non, je me réveille. Une dame vient vers moi, bien réelle. Je suis bien au 21e siècle, je crois. La voix des migrants. Cette voix que je porte aujourd'hui en vous racontant ce qui se passe lorsque l'on devient requérant d'asile n'est ni politique ni moralisatrice. Elle est humaine et sans préjugés. Elle vient chercher le même sang qui nous relie. Nous ne choisissons pas notre lieu de naissance et migrons rarement par envie. Lorsque nous prenons la décision de tout quitter, notre existence s'apparente à une bataille dans laquelle nous sommes souvent seuls. Première partie, l'administration. Vous nous entendez souvent dire que la vie et l'intégration sociale sont parfois difficiles en tant que migrant en Suisse. Mais savez-vous pourquoi? Laissez-moi vous parler des procédures et des étapes que nous devons franchir lors de notre arrivée. Les difficultés dont nous n'avons nullement conscience avant d'entamer notre voyage. D'abord, vous devez déposer une demande d'asile auprès des autorités concernées. Le temps que cette démarche soit traitée, vous êtes envoyé dans un centre fédéral pour requérants d'asile où est menée une longue et éprouvante enquête pour statuer sur votre sort. Si votre requête est refusée, vous serez directement renvoyé dans votre pays d'origine. Si l'examen de votre situation demande plus de temps, vous voilà assigné à un centre d'hébergement collectif. Vous disposez alors d'un livret provisoire qui vous permet de travailler, mais seulement sous certaines conditions très précises. D'ailleurs, tellement spécifique que la plupart des employeurs ne préfèrent pas s'y confronter. Pourquoi avons-nous l'impression d'être au cœur d'une enquête criminelle? Pourquoi l'attente du traitement de notre dossier est-elle si longue? Nous arrivons souvent qualifiés et ne demandons qu'à travailler. Pourtant, nous nous heurtons au bulldozer administratif qui nous empêche d'exercer une activité et de mettre fin à notre étiquette de requérant d'asile, d'étranger ou de migrant. Pourquoi est-ce si difficile d'accéder à un travail alors que notre indépendance financière soulagerait l'administration suisse? Pourquoi est-ce si compliqué d'avoir accès à un suivi de notre situation par les professionnels du travail social? Pourquoi avoir une vie normale comme les autres nous semble inaccessible? N'est-ce pas pourtant le brassage des cultures qui nourrit la richesse des pays? Sans l'immigration, sans l'esprit de grands penseurs venus de l'étranger, de nombreux livres n'auraient jamais été écrits, d'innombrables films n'auraient jamais été tournés, des technologies n'auraient jamais été inventées. De tout temps, l'homme n'a cessé de voyager et de s'exporter. fait un rêve. Certes, contrairement à d'autres pays, les migrants en Suisse sont logés dans de beaux bâtiments en dur. Ici, on vit dans l'harmonie, la bonne humeur, la simplicité, heureuse d'y vivre. Qui nous protège du vent et de la pluie. Comme des gardes, des dragons impériaux. Pourtant, notre vie est loin d'être paisible. Il y a des familles bien connues, des présentations, si vous voulez. Au foyer, nous sommes tous mélangés, nationalité, âge et culture. Il n'y a pas de choix possible. Les critères sont énigmatiques. Monsieur et madame, bonne fouille, bonne foi, bonne gouille, bonne bafouille, bonne douille, bonne souille, bonne pistouille, bonne dégouille. Et nos vedettes, monsieur et madame, rouille. Lors de notre arrivée, on se retrouve dans une petite chambre qu'il faut partager avec un inconnu. Et bien souvent, notre culture et notre éducation contrastent drastiquement avec celle de notre nouveau locataire. Nous sommes entourés d'un espace vert joliment arborisé, avec des bosquets, des fleurs, des bancs blancs. On peut y se compter fleurettes, avec un joli parc d'attractions. N'est-ce pas déjà difficile d'épouser les habitudes de la femme ou de l'homme dont on est tombé amoureux? Deux énormes dindes qui gloussent glou-glou-glou toute la journée, qui sonnent et qui résonnent dans le voisinage, mais pas de celles que l'on mange à Noël. Imaginez combien la tâche devient démesurée lorsqu'il s'agit d'épouser celle d'un étranger. Partage tous les espaces communs avec les autres résidents du foyer. Des pipistrelles des Carpates, énormes, énormes. Des gros lézards du style de iguane. Cuisine, landerie, salle de bain ou encore toilette. Des serpents du style boa boa, prêts à se jeter et à étrangler leurs proies, innocentes. Nous vivons tous ensemble, mais chacun pour soi. Donc un joli petit coin avec un service 5 étoiles afin de nous laisser papoter de choses et d'autres, comme toutes les copines le font, pour échanger nos recettes et d'autres astuces de soins, d'hygiène, comme au temps de nos grands-mères, et d'améliorer notre quotidien. Quoi. tout cela dans un petit kiosque assez gros, pour des cloches tatins et des cloches tatins. Bref, un havre de paix. La plupart d'entre nous sommes en sursis, suspendus à la décision de l'enquête finale parfois pendant plusieurs mois. Si la décision est négative, l'attente devient paradoxalement encore plus longue et se calcule en années car on peut faire appel à cette décision plusieurs fois. Nous devons alors patienter entre chaque nouvel examen de notre situation et en assumer les conséquences. La base d'une pâte à choux. On met sur la crème, hein. Et puis, bon, il faut griller parce que ça se passe un petit peu mal. Après, on bouille avec la bière, et un peu de bicarbonate, pour que ce soit plus léger et plus volumineux. Et puis, quand on met beaucoup de fromage, on met de la muscade, pas de sel, ça sert à rien. Quand on met beaucoup de fromage, on fait le boule, et après on le fait tout. C'est une spécialité vaudoise portée à l'époque de la guerre de Napoléon. Parce qu'il y avait beaucoup de soldats suisses qui pourraient être fins, donc ils ont été faire la guerre. Et puis ils ont à la base. À ce moment-là, notre statut est gêné, interdit de travailler. Nous sommes assignés à l'aide d'urgence, 10 francs par jour, pour vivre. Et ce, sans date limite. Certains de mes camarades survivent ainsi depuis des années, sans savoir où est leur dossier et encore moins dans combien de temps leur calvaire prendra fin. Le poids de cette attente est très lourd et incroyablement long, éprouvant pour nos nerfs, notre morale, notre équilibre. Chacun se demande quand nous verrons la fin de ce long tunnel. Mais le plus pénible, c'est de ne pas savoir. Bien souvent, le verdict tombe sans que nous n'en comprenions les tenants et les aboutissements. Sous la forme d'une simple lettre au terme officiel et incompréhensible, indéchiffrable, parce que personne ne nous explique avec des mots clairs et simples. Bien sûr, nous sommes nombreux et les travailleurs sociaux ne peuvent travailler nuit et jour, mais il y a clairement un gouffre qui serait important de combler car nous sommes des êtres humains. Garder l'espoir quand on est traité comme un numéro s'avère très difficile. Notre service social-culturel, avec toute une structure d'intouchables qui sont dans une tour d'ivoire, sans transparence, qui nous conseille de nous masquer, de peur de constatation, de contamination. Leurs conseils sont donc très très utiles et très utilisés. Afin de poursuivre notre chemin dans ce jardin d'Éden, qui est aussi infecté de cafards, certains visibles et d'autres invisibles. Nous ici à Klosstadt, nous n'avons même plus besoin de nous protéger, de nous masquer, plus de gestes barrières. Nous ici, on est quoi déjà? Ah oui, je me souviens, on est des marionnettes bien sûr. Notre Peggy et son Muppet Show tire son rideau.